Costa agora a bater em profundidade, saiu da sua baliza. Reconciela, sereia, sereia, sereia, planizóia, planizóia, planizóia. Se moi se Quand on arrive, on fout le bordel. Y'a du Jack et du champagne dans le carré. Et tout s'arrête quand elle apparaît. Wow. Personne me fait cet effet à part elle. Tu veux du ginger love? Ça fait un moment que je te vois dans le corner. Approche-toi juste un peu, là, mais juste un peu. Que je vois ce que tu donnes. Oh non, non, non, non. Elle est bien roulée comme un câble iPhone. Elle me dit donne-moi ton mobile phone. Viens, on se casse ici, je t'emmène dans ma zone. Dans ma zone. Ne va pas là, tu t'es bébé, viens, on fait la fête. De toute façon, nous, on est là jusqu'à demain. Ne prends pas là, tu t'es bébé, viens, on fait la fête. Moi, je veux te voir bonner jusqu'à demain. Faut faire attention. L'amour, ça fait mal. Tu fais monter ma tension, bébé, bébé. L'amour, ça fait mal. Fait mal. On ira doucement, on ira doucement. On prendra bien le temps qu'il faut. Quand tu bouges sur moi, tu montes, tu descends. Comme si c'était le jour de mon burst. Je suis un mauvais joueur à ce qu'il paraît. Laisse-les parler. Y'a que nous deux quand on baisse les stars. Je vais pas te lâcher, tu peux compter sur moi. Elle est bien roulée comme un câble iPhone. Elle me dit donne-moi ton mobile phone. Viens, on se casse ici, je t'emmène dans ma zone. Dans ma zone. Ne prends pas la tête, bébé, viens, on fait la fête. De toute façon, nous, on est là jusqu'à demain. Ne prends pas la tête, bébé, viens, on fait la fête. Moi, je vais te voir venir jusqu'à demain. L'amour ça fait mal. Tu fais monter ma tension, bébé, bébé. L'amour ça fait mal. Pas mal, non, non, non. Attends, stop. On y va. Bienvenue à tous sur le 96.2 si vous venez nous rejoindre. Chantal avec vous jusqu'à 20h pour votre émission Groupe Tropical avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe, des nouveautés bien sûr, mais aussi du zouk rétro, des choses un petit peu vintage mais qui font du bien, bien, bien dans les oreilles. On va continuer tout de suite avec une jeune fille qui s'appelle Gaëlle et qui nous propose un superbe titre parce qu'il caracole en tête de tous les parades. C'est Serre au bois, plus fort. T'as souvent été maladroit, tu le sais. Très très bonne soirée en ma compagnie, Chantal avec vous jusqu'à 20h. Ils veulent nous séparer et tu le sais. N'en écoute pas ces vipères, t'es déjà pardonné. Elles veulent remettre le couvert sur tout ce que tu vas faire. C'est toi et personne d'autre. Chez à toi, t'es à moi. C'est toi et personne d'autre. Serre-moi fort contre toi, mon cœur. Moi je veux plus que tu parles. Mon bébé, mon 96.2. La FM en couleur. Je vois des choses dans tes yeux. Je t'offre des roses silencieuses. Sur des lapins ou ta peau. Tu es la cause de mes maux. Tu es une femme des amours. Io a saudade, Senhor, nenhum de nós quer perder, e ninguém quer ficar só. This man, this man to me, I'll fight for me this summer. Je sais comment la compie, tu me gelais ma putain. Je le garde impatient, je te veux du lundi au dimanche. Je suis d'humeur comme un enfant. Oh, mais Bali, Bali, Oli, Joa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, non importe où on débarque. Mais on a vu la télévage. Mais quel chaleur perdu, emmène-moi. Si je fraude, que Dieu pardonne mes fautes. Je suis le cyclone, toi l'émeraude. J'ai la tête de parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. D'être en mystérieuse, t'es ma flamme. Mon César, mais au amour, mi apache. T'es le premier rôle de mi-filial. La soda, mi chalemois, j'en baisse. Tu l'as dit au dimanche, ça me lève à mon homme et à mort. Emmène-moi, peu importe où on ira. Paris, Paris, oh les jours. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, non, importe où on débarque. Mais on a vu la télé, le quel chaleur perd de ti. De votre émission Groove Tropical, le meilleur de la musique qui nous vient des Antilles, qui vient de Caraïbes. Sur le 96.2, je vous propose tout de suite de suivre cette émission avec le meilleur du compas. Tout de suite, c'est monsieur Harley Larivière et son groupe New Look, qui seront sur la capitale, hein, le 9 mars prochain, si vous ne le savez pas. Un grand moment pour tous ces fans. Et puis tout de suite après, on aura un petit coup de cœur, vintage, ouais, on va dire ça comme ça, avec Jacquito. Ah, je sais, vous allez craquer comme moi. Allez, 18h-20h, votre émission Groove Tropical. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada.

votre émission Groupe Tropical jusqu'à 20h. Moi, j'aime bien les séquences, les concerts, les concerts, les séquences fouillades. Ah ben, j'en perds mon langage. J'ai soif, j'ai l'impression, non? Bon, en tout cas, si vous êtes dans la bonne position, restez-y, parce qu'on va continuer comme ça avec de la très très bonne musique, d'autres nouveautés, avec tout de suite, eh bien, c'est Cœur Automatique, carrément. Alors, je sais pas si ça va partir tout seul. On va essayer, en tout cas, sur le 96.2. Heureusement, j'ai deux mots, comme on dit, hein. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Avec le temps j'ai compris, j'ai dit fais ça bien, ne fais pas ce que tu peux. Je connais déjà toutes tes vices, tous les codes, je te roll, bad boy. Si t'es là c'est parce que je veux. Treat me right, give me rights. You know si tu me fais mal, je fais du sale. Je le réveille pas, non. Yeah. parler. Moi, t'es qui voulais arrêter. Pour nous avons échangé de mots l'amour. Tout ça qui vient qu'à finir vite. Pour moi, aller moi obligé. Souris, t'appeler à nous pour bien longtemps. Chouka ou est-ce qu'il y a une tente. Moi, obligé à aller. Mon âme, mon cœur, mon âme, je ne dis pas. Ça ne sonnera jamais. sucre, ton miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Mon cœur, un petit côté non trouvé, un petit côté qui caché. Civilisation pas maniée, c'est vous seul qui m'aimez. La peau n'est pas qu'à trouver, on ne peut faire découvrir. Par un qui j'en invite de s'y créer, on l'a. Aún recuerdo el romance. Tú sigues estando igual de buena que cuando empezamos. Que ya me han contado que me quiere ver y que olvidaría mi pasado. No te niego que últimamente estaba tanto en la calle buscándote, pensándote. Me encontré un amigo que te había visto y no pudiste evitarlo. Y anda preguntando si me ha visto por ahí y que me había encontrado caminando por Madrid. Mami, pero eso es falso, yo sigo pensando en ti. Si me quieres encontrar, mamá, tírame lo que he hecho en el caigo ya. ¿Cómo no voy a querer verte? Si era una aguja en un par, igual hiciste que me encontré. Y ahora paso por la vereda de enfrente de ese lugar que dijiste que era para siempre. Dice que anda suelta, sola y no tranquila, con ganas de cruzarme caminando en la avenida. ¿Cuánto tiempo se fue? ¿Cuánto tiempo se irá? Yo pensando si hay alguien más, porque si estás esperando. Mami, yo te busco, solo dime cuándo. Yo por ti conduzco tanto tiempo que no te seduzco. Tírame la ubi que sin ti yo no me luzco. Y no sé qué estás esperando, ven que yo te busco. Solo dime, mami, que la llevo en punto. Y no sé cuánto tiempo será en que te quito esa duda. Tony Pesino, Mario Baró. Y anda preguntando si me ha visto por ahí y que me había encontrado caminando por Madrid. Mami, pero eso es falso, yo sigo pensando en ti. Si me quieres encontrar, mamá. Shame on. quand même retrouver les vieux trucs. Et oui, encore sorti du frigo. Ah, j'en ai comme ça, hein. J'en ai des tonnes. Je sais que vous aimez bien quand même, hein, le Zouk Rétro. On va se faire plaisir tout à l'heure d'ailleurs, hein. Vous allez voir avec des grands succès des années 90, 2000. En attendant, moi ce que je vous propose, c'est d'écouter une petite nouveauté que j'aime beaucoup. Mademoiselle Deren, ah oui, c'est son prénom. Le titre c'est Compliqué. Bon, peut-être pas pour tout le monde. Allez, jusqu'à 20h, votre émission Groove Tropical. Très très bonne soirée en ma compagnie. Bé, regarde-moi, je t'ai pas promis la lune, dis-moi pourquoi tu te fâches. Bé, m'abandonne pas, pour rien au monde, je ne veux que cette histoire s'efface. Tu sais que sous ton charme j'ai tombé, même si entre nous deux parfois c'est compliqué. Arrête de croire que t'es mon plan B. On sait tous les deux qu'à la fin on est piqué. Compliqué mais ça sera nous deux. Passé nous a pas gâté, rien n'est impossible, t'es arrivé et moi je l'attendais pas. Près de toi, j'suis prêt à faire le tour du monde, t'en voûter et profiter de chaque seconde. T'es ma gueule, j'aime nous deux, c'est la même bébé. On se fait la guerre, malgré tout on fait la paix. Compliqué mais ça sera nous deux. Je suis là, je serai toute là. Compliqué mais ça sera nous deux. Quick, machine, combat! compliqué, mais ça sera nous deux. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. T'as coupé tout très long. Roméo, Juliette, les contes, t'es bête et puis j'en passe un nom de belle. Bien et puis Juliette, comme un homme et pas belle. Tellement t'es coin dans le royauté. Pas de penser un jour t'es caboté. Tes sentiments si réellement à côté. L'eau pour pénager chaque temps d'imaginer le cap croqué. Pendant l'amour t'as multiplié. Ou blasé me fait tourner t'y crier. Téléphone nous toujours sous mon avion. Les wagons pour les passionner. Ou gaspiller. Chaque jeudi, ça se passe comme ça, entre 18h et 20h, avec le meilleur, hein, le meilleur du compas, le meilleur du zouk, etc., etc. Très très bonne soirée, en compagnie sur le 96.2. Je t'ai pas tout dit. il faut que je te parle. Tu m'as piqué et je sais, tu le sais. On se connaît pas, mais je t'aime déjà. Bébé, viens voir, on doit se parler. Laisse-moi dire comment tu me fascines. Te voir encore, c'est mon seul souhait. Les voix célestes me l'avaient bien dit. Que jour je te rencontrerai. Fais-le-moi savoir, je n'abuserai pas, je te le promets. Je ne veux pas juste que tu sois ma copine, mais ma femme à toi j'ai dévoué. Les voix célestes me l'avaient bien dit, quand je te rencontrerai. Le jour je te rencontrerai. Le jour je te rencontrerai. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Nous tous connaissons, posez l'amitié. Posez la vie au capitaine. Mais faut cool. Posez, posez, posez. Cultiver l'amour du prochain, peut-être un jour, toi gagnons, mais que le temps perdu ne se rattrape pas. Ne cherchez pas de mise en souffert, planté ou à récolter. La vie est belle, la vie est capibelle. Yeah. moun Vila la nan moun Pankou tapou sou pou moun Pankou moun se nan moun Se ta pi bel kadou La basse swan nan moun Pankou se peti blou Sou ki ou met make Met make la vi moun Tropical, chaque jeudi entre 18h et 20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Depuis premier jour nous contrés, pas de caché sentiment moué, toujours galant, toujours charmant. T'es toujours voulu ouais mon bon gène, mais c'est comme si ou pas toi moi à genoux toute la cette journée, tout geste we fait comme si ou pas ouais clair. Hey, toujours penser que m'a joué, moi fais mon tour m'a suivi. Je dis à m'pal parler, parler carré. J'ai moi voulais montrer aux gens l'amour sans pareil. J'ai rêvé montrer au côté la ligne contraction l'air. J'ai rêvé les yeux les font y caresser. C'est là y a le cachet. C'est là mes mener ou aller. Ça l'aurait chéri moi yeah. Oh yeah. Ça t'aime toujours. C'est l'amour. Non, c'est pas veiller, m'a veillé. C'est l'amour. Ça fait toujours v'les conseiller. C'est l'amour. On est ses bonheurs, m'a cherché. C'est l'amour. Toujours fait comme si ou pas, ouais, moi. À genoux, toute la cette journée. Tout ça, moi, dit. Ou toujours plein pause, oui. Hey. Toujours penser que m'a joué. M'a joué. Fait mon tour, m'a chiffré. Je t'aime pour parler, parler carré. J'ai rêvé, moi voulais montrer aux gens l'amour sans pareil. J'ai rêvé, montrer aux côtés la ligne contre le soleil. J'ai rêvé, les yeux les font y caresser. C'est là y a le cachet. C'est là v'les mener ou aller pour s'allover. faire tout. Oui, en ce moment, dis-moi ce que tu veux, mon amour. Bien longtemps m'a prié pour mon Dieu t'a louvrigé. Trop longtemps m'a prêté pour l'amour, ça t'a marré. Mais pour le moment, tout ça m'en est ma faire tout. Oui, en ce moment, dis-moi ce que tu veux, mon amour. Pour ça gagner, chérie. Pour ça me faire pas contre ça, pour si on est pas bon. Arc-en-ciel 96.2, bah écoutez, votre émission continue, votre émission groupe tropical bien sûr, avec bien le meilleur. Et puis je vous ai promis du Zouk Retro tout à l'heure, je vous propose tout de suite, alors là c'était un tube des années 90-2000, écoutez ça, le groupe Esquisse. .2, c'est la bonne fréquence pour le maximum de soleil. Song. tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Mentalité, y a quelque chose de compliqué. Je suis en couple et elle aussi. Toi et l'ange dès le départ. J'ai joué, c'est trop tard. J'ai cédé, j'ai goûté, j'ai menti. J'ai pas bien interdit. Je crois qu'elle me donne envie de tout quitter. Je suis dans le déni. Avec elle, j'oublie la réalité. Mon cœur fait oulala. De cet incroyable, est-ce que j'ai tout quitté ou pas? Mon cœur fait oulala. C'est incroyable, est-ce que je dois tout quitter ou pas? Je m'en fous de tout ce que les gens disent. Je m'en avec mon cœur et ma raison. Est-ce que je dois déclarer mes sentiments alors que j'ai une femme à la maison? Mon petit cœur fait oula oula oula boum boum. Oula oula oula boum boum. Mon petit cœur fait oula oula oula boum boum. Oula oula oula boum boum. Sois un secret, je suis tombé, je sais, j'oublie tout dans ses bras, ça va durer, ça je ne sais pas. Avec elle, je prends des risques, je crois que c'est ça qui m'excite. Tellement on est trop connecté, elle sait comment me déconcentrer. Un regard, je suis hypnotisé, j'ai essayé, je peux pas résister. Je me dis que Cupidon s'est trompé, et qu'il finira bien par tout arranger. Je m'en fous de tout ce que les gens disent. Alors que j'ai une femme à la maison. Si qu'un fait oula oula oula boum boum. Oula oula oula boum boum. Si qu'un fait oula oula oula boum boum. Oula oula oula boum boum. Mon petit cœur il fait boum. Elle est oula, il fait boum boum boum. Hey hey, chérie vous. Thank you. pas moi en tête. Bonsoir monsieur, je sais déjà qui tu es. Belle tibolon, mais ça pas quoi haïr. Ça qui fait moins fond, c'est mon yé vin check. Moi jack à passe. Nanny eye contact. Mon jack à ouais que nous, collision sans constat. Oui, je veux tout dedans, je mets les pieds dans le plat. Direct contre un saboka et moins contre la rivière. Il dit moi molibali, ça qu'a fait moins ouais misère. Meilleur moment pour bail, fait sans session, bouillon SXM. Il dit moi molibali, ça qu'a fait moins ouais misère. Chanteuse, mais ce soir c'est son show. Pendant l'after, je vais muscler son dos. Go, intimidé, j'ai plus les mots. Imposant, têtu comme taureau. Il veut pas céder, il dit non, non, faut pas céder. Puis tant qu'à passer, puis ça a dangeré. Si ça continue, je vais le marier. Et quand on est faible, je fuis où? T'es pas fait, crash, toi tout vendée, yeah. Combien tu fais? Crash, toi tout vendée, yeah. Voilà tout fait, mon poum poum, bad baby. Contre un saboka et moins contre la rivière. Il dit moins bolivar, il s'accaffe moins ouais misère. Meilleur moment pour bail, fait sans session, bouillon SXM. Il dit moins bolivar, il s'accaffe moins ouais misère. Contre un avocat, moins contre l'eau la rivière. Il dit moins moliva, il sac à fait moins ouais misère. Meilleur moment pour bail, fait sans session, bouillon SXM. Il dit moins moliva, il sac à fait moins ouais misère. Pas fait cash, pas tout vendée. Cash, pas tout vendée. Ah, ça fait du bien quand même, hein, ce grand coup de soleil avec Morane. Et le titre Zaboka. Sur le 96.9, bah, il est presque 20h, hein, je suis désolée, mais bon, on va devoir se quitter, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès jeudi prochain, pour une nouvelle émission entre 18h et 20h et le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. En attendant, bah, je vous laisse en compagnie de Perle Lama, avec ce titre, je te donne mon love. Céder à tous mes caprices, mais vraiment, vraiment tout. Maintenant, tu... Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Bon week-end. Au revoir. Quand tu fais tout pour me retenir, dans ton sourire, je vois que tu m'aimes si fort. J'aime garder là-bas les diamants, mon trésor. Les clés de la lampe combinée, donne-moi les clés. 96.2. La FM en couleur. Movimentos no norte de Gaza. Washington exige respostas a Israel depois da morte de mais de 100 pessoas e cerca de 700 feridos nas contas do Hamas. Joe Biden reconhece que o ataque de hoje em Gaza vai dificultar as conversações em torno de um possível cessar-fogo. O Hamas acusa Israel de disparar sobre pessoas que aguardavam numa fila por alimentos. A versão de Israel é outra, de que os soldados dispararam sobre um pequeno grupo de pessoas que se aproximaram dos militares. O presidente norte-americano sublinha as versões contraditórias e que está a ser investigado, mas não perde a esperança, apesar das dificuldades acrescidas num possível cessar-fogo. Ativa o telefone com pessoas na região e provavelmente não vai ser possível um cessar-fogo temporário até segunda-feira, mas tenho essa esperança. Em relação ao que aconteceu, há duas versões contraditórias, estamos a analisar esses relatos, ainda não tenho uma resposta. Em comunicado, o Hamas já veio avisar que o ataque de hoje pode pôr em causa as negociações para a libertação de reféns. António Guterres mostra-se preocupado com as dificuldades na chegada da ajuda humanitária a Gaza e censura os acontecimentos de hoje, como diz o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, Stefan Duarits. O secretário-geral condena o incidente de hoje no norte de Gaza. O secretário-geral condena o incidente de hoje no norte de Gaza, com mais de uma centena de pessoas mortas ou feridas enquanto procuravam ajuda vital. Os civis em Gaza estão desesperados e precisam de ajuda urgente, incluindo os civis que estão a norte do enclave, uma zona sitiada, onde as Nações Unidas não conseguem fornecer ajuda há mais de uma semana. O secretário-geral reitera o apelo a um cessar-fogo humanitário imediato e à libertação incondicional de todos os reféns detidos em Gaza e pede, uma vez mais, medidas urgentes para que a ajuda humanitária crítica possa chegar a Gaza para todos os que precisam dela desesperadamente. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir de emergência por causa da ajuda humanitária a Gaza. O responsável pela Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinianos alerta para uma redução drástica do apoio humanitário. Filipe Lazzarini descreve um fluxo de assistência desigual, apesar do Tribunal Internacional de Justiça ter determinado no mês passado a Israel que garantisse ajuda humanitária adequada para o enclave. Temos visto uma diminuição. Em fevereiro, a assistência humanitária foi metade em relação a janeiro. Os problemas que temos são procedimentos administrativos muito difíceis por parte do Egito e de Israel, mas também temos visto ao longo das últimas semanas a principal passagem de Kerem Shalom ser frequentemente encerrada. Isto significa que o fluxo de ajuda para a faixa de Gaza tem sido absolutamente desigual. E como a assistência que chega a Gaza é tão pequena comparada com a imensidão das necessidades, isso também cria situações desesperadas e caóticas com os comboios de ajuda que entram em Gaza a serem muitas vezes saqueados. Filipe Lazzarini, em declarações à CNN, desde o início da guerra já foram mortas mais de 25 mil mulheres e crianças palestinianas, adianta o Pentágono. Dois israelitas foram mortos num ataque no norte da Cisjordânia ocupada, revelam, entretanto, os serviços de socorro israelitas. O Supremo Tribunal de Justiça confirma a condenação a 8 anos de prisão de Ricardo Salgado em causa da Operação Marquês. Na decisão do recurso, os juízes admitem, no entanto, Ana Isabel Costa, que o antigo banqueiro possa não ir para a prisão caso se confirme a doença de Alzheimer. No acórdão a que a Antena 1 teve acesso, o Supremo Tribunal de Justiça rejeita o recurso apresentado pelo ex-banqueiro, mas faz depender o cumprimento da pena de 8 anos de uma avaliação prévia do estado de saúde do ex-presidente do BES, que alega sofrer de doença de Alzheimer. O Supremo admite mesmo que a pena possa ser suspensa por anomalia psíquica superveniente sem perigosidade, que é o que a defesa de Ricardo Salgado, a cargo do advogado Francisco Proença de Carvalho, tem vindo a defender. O acórdão, conhecido hoje, que teve como relator o juiz conselheiro Agostinho Torres, esclarece que, ao contrário do que tinham concluído os tribunais de primeira instância e da relação, de que a doença de Alzheimer só justificaria pena suspensa caso isso fosse validado pelo Tribunal de Execução de Penas, a doença pode mesmo justificar que a pena não seja aplicada desde o início. Resulta assim deste acórdão que vai ser feita uma nova avaliação médica do argumento arguído para o Tribunal de Primeira Instância verificar se Ricardo Salgado tem ou não condições de compreender a pena e se tem ou não condições de cumpri-la e se faz algum sentido esse cumprimento de pena. O acórdão reforça ainda que numa situação clínica em que seja evidente, indubitável, seguro e convincente a inapropriedade da aplicação da pena de prisão, face à doença indicada, ou seja, de Alzheimer, seria de todo injustificável e desumano sujeitar o condenado à execução de pena ou mesmo a iniciá-la para depois a suspender. Contactada a Plantena 1, a defesa de Ricardo Salgado não faz qualquer comentário ao acórdão hoje proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça. 15% dos procuradores em Portugal estão em risco elevado de burnout, de exaustão. É o que revela um estudo sobre condições de trabalho, desgaste e bem-estar dos magistrados do Ministério Público hoje divulgado. Os resultados, agora conhecidos, apontam para sinais preocupantes, Rita Soares, no que toca à saúde física e psicológica.